Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Pièce justificative. Pièce A. Procuration de gravé pour l'adjudication du navire du capitaine Rossignol en date du 27 octobre 1604. Fut présent François Gravé, sieur Dupont, capitaine à la marine de Ponant, demeurant à Honfleur, lequel, en qualité d'associé de noble homme Pierre Dugast, sieur de Mont, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, lieutenant général pour Sa Majesté au pays de l'Acadie, a passé procuration ad litès sur le nom de telle personne qu'il avisera bien être pour en son nom et en sa dite qualité d'associé, requérir et poursuivre l'adjudication et confiscation de navires, barques, agrès, appareaux, munitions et marchandises étant dans et celui navire que le dit sieur de Mont a pris à la côte de l'Acadie, et celui navire appartenant ou sur lequel commandait un appelé Rossignol du Havre de Grâce, ensemble poursuivre contre qui il appartiendra les amendes et les peines portées par les lettres patentes expédiées par Sa Majesté Audicieur de Mont, et défense publiée partout où besoin a été, ainsi que l'a dit le sieur Dupont, et faire toute autre poursuite que besoin sera, etc., signé gravé. Pièce justificative, pièce B. Prêt par François Andrieux à Nicolas Marion, capitaine du Lébrier. De vendredi avant-midi 28e de mars 1608 à Honfleur, en l'escriptoire devant Olivier de Valsemé et Jean Robinet, tabellions royaux en la vicomté d'Auges pour le siège de Honfleur. Fut présent Nicolas Marion, capitaine de navire nommé le Lévrier, du port de 80 tonneaux ou environ, et bourgeois en celui pour un tiers, lequel a confessé que pour lui subvenir à mettre le dit navire hors en mer pour faire le voyage de Canada dans son dit navire, à sa conduite, la dite navire étant de présent à ce port et havre près, à partir du premier temps qu'il plaira à Dieu envoyer, il lui a été fourni et payé par honnête homme François Andrieux, bourgeois de Honfleur, présent, la somme de 50 livres tournois, à profit à 30%, et dont à rendre la dite somme et profit au retour de voyage, les risques de la mer et de la guerre allant et venant sur le dit Andrieux, à quoi faire obligeant son corps ainsi que ses biens. Nicolas Marion. Pièce justificative, pièce C, contrat de mariage de Samuel Champlain. Lundi, 27e jour de décembre 1610. Par-devant Nicolas Choquillot et Louis Aragon, notaire et garde-note du roi, notre sire, en son châtelet de Paris, sous-signé, furent présents en leur personne M. Nicolas Boulay, secrétaire de la Chambre du roi, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Margarine Alix, sa femme, de lui autoriser en cette partie au nom et comme stipulant et eux faisant fort pour Hélène Boulay, leur fille, et se présente d'une part, et noble homme Samuel de Champlain, sieur du dit lieu, capitaine ordinaire de la marine, demeurant à la ville de Brouage, pays de Saint-Onge, fils de feu Antoine de Champlain, vivant capitaine de la marine, et de dame Marguerite Leroy, ses pères et mères, le dit sieur de Champlain étant de présent à cette ville de Paris, logé rue Tirechappe de la paroisse Saint-Germain d'Auxerrois, pour lui et en son nom d'autre part. Lesquels partis, et de bon gré, ont reconnu et confessé en la présence de la vie et consentement de messire Pierre Dugas, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et son lieutenant général à la Nouvelle-France, gouverneur de Pont en Saint-Onge pour le service de Sa Majesté, ami, honorable homme Lucas Legendre, marchand bourgeois de la ville de Rouen, aussi ami, honorable homme Hercule Roué, bourgeois de Paris, Marcel Chenu, marchand bourgeois de Paris, M. Jehan Roarnan, secrétaire du dit sieur de Mont, ami du dit futur époux, et honorable homme François Le Sège, apothicaire de l'écurie du roi, allié et ami, Jehan Ravenel, sieur de la Merrois, Pierre Noël, sieur de Cossigny, ami, Maître Antoine Dumurat, conseiller et aumônier du roi, ami, Antoine Marie, maître barbier, chirurgien, allié et ami, Geneviève Lassège, femme de maître Simon Alix, oncle du côté maternel de la dite Hélène Boulay, avoir fait, saignant et fond, entre eux de bonne foi, le dit traité, accord, don, douaire, promesse si mentionnée, qui en suivent pour raison du mariage futur des dits Samuel de Champlain et Hélène Boulay, qui ont promis et promettent prendre l'un et l'autre par nom et loi de mariage, dedans le plus bref temps que faire se pourra, et sera avisé entre eux, leurs parents et amis, si Dieu et notre mère Église s'y accordent, aux biens et droits à eux appartenant, qu'ils promettent porter l'un avec l'autre, et pour être unis et conjoints entre eux selon les us et coutumes de Paris. Lequel mariage, néanmoins, en considération du bas âge de la dite Hélène Boulay, reste accordé qu'il ne se fera et effectuera qu'après 2 ans d'huit finis et accomplis, sinon et plutôt s'il est trouvé bon et avisé entre les parents et amis passés outre à la confection du dit mariage, en faveur duquel promettent et s'obligent solidairement le dit Boulay et sa femme de bailler et payer au dit futur marié par avancement d'aurier, venant par la dite Boulay aux successions futures de ses pères et mères la somme de 6 000 livres tournois, en dernier comptant dans le jour précédant leurs épousailles, et partant le dit sieur futur époux à Douai et Doux, la dite future épouse de la somme de 1 800 livres tournois, en douaire préfixe pour une fois payée à Isselle, douaire avoir et prendre par elle, tôt que douaire aura lieu sur tous et chacun les biens meubles et immeubles, présents et à venir, du dit futur époux, qu'il en a pour ce de tout us et coutumes de Paris. A été accordé que le survivant des 10 futurs mariés aura et prendra par préciput et avant que faire aucun partage des biens de leur communauté et or par la somme de 600 livres, à savoir le dit sieur futur époux pour ses habits, couverts et chevaux et la dite future épouse pour ses habits, bagues et joyaux, selon la prisée qui en sera faite par l'inventaire et sans se ne faire sur Isselle ou la dite somme, en dernier complant aux 10 choix et options du dit survivant, pourvu que lors de la dissolution du dit futur mariage, il n'y ait enfant ou enfant vivant, né et procréé, dit celui. Et reconnaissant les 10 futurs époux, et ayant égard à la grande jeunesse de la dite Hélène Boulay, et pour l'affection et amitié qu'il lui porte, veut et entend le dit futur époux après son décès, et advenant qu'il fut prévenu de mort en ses voyages sur la mer, et est-ce lieu où il est employé pour le service du roi, en cette considération et advenant, comme dit-elle, son décès, veut et entend le dit futur époux que la dite future épouse jouisse sa vie durant de tout et chacun des biens meubles et immeubles présents et à venir, quelque part qu'ils soient situés et assis, et qui pourront appartenir au dit futur époux, soit par acquisition, succession, domaine ou autrement, pourvu qu'il n'y ait enfant ou enfant vivant, lors né et procréé du dit futur mariage. Pour faire insinuer lequel dit contrat au greffe du Châtelet de Paris, et port, ou d'ailleurs, où il appartiendra, on les 10 époux, faits et constitués par ses premiers, font et constituent leur procureur général et spécial le porteur des présentes. Faits et passés à Paris en la dite rue et paroisse Saint-Germain, enseigne du miroir, après midi, l'an 1610, le lundi 27e jour de décembre. Et on le dit futurs époux et autres sous-nommés, signés la minute des présentes, demeurés vers Aragon, l'un des sous-signés. Signé Choquillot et Aragon. Et plus bas est inscrit ce qui en suit. Le dit sieur de Champlain, sieur du dit lieu comme des sous-nommés, confesse avoir eu et reçu des dits Nicolas Boulay et Marguerite Alix, sa femme, aussi si dessus nommé le dit Boulay, à ce présent, la somme de 4 500 livres sur et en moins de la somme de 6 000 livres tournois au dit sieur de Champlain promis en faveur du mariage de lui et d'Hélène Boulay. Fait et passé à Paris en l'étude des notaires sous-signés après midi l'an 1610, le mercredi 27e jour de décembre, et ont signé la minute des présentes étant au bas de la minute. Le dit contrat de mariage signé de Choquillot et Aragon. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les pièces justificatives A à C de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne.